La nuit s'éclaire au feu des torches. Les murs d'acier, je les fais sauter d'un saut. Cowboy des plaines, heureuse, je règne. Chacré des cris, ma légende ancienne. S'écarte sur la pierre, les flammes éclatent, les cris résonnent, les défenses s'écrasent. Un duel moderne, canon contre canon, Far West dans Rust, ma loi, ma raison. Les tourelles grondent, leurs balles si fort, mais je me faufile que boé de l'amant. Des coffres explosent, des rêves qui brûlent dans la poussière, mes ennemis reculent. Boom goes the wall! Spared, I take it all, cause the law ain't shared. Charge le tonneau, vise la porte. Mais l'automne coque, la nuit s'emporte. Deux voix rugissent dans l'orage en feu. Un western brutal, méchant et vieux. Vois leurs silhouettes courir dans la nuit. Leurs cris s'étouffent, leurs armes s'enfuient. Un cowboy rugit au milieu du fer. Riders kill drive, son nom dans la guerre. Les coffres ouverts, chaque arme pilée, c'est mon univers. Les flammes dansent, la poussière s'élève. Cowboy ou démon, nul ne se relève. L'acier s'effondre, les fondations craquent. Les torches s'éteignent, la terre se fracasse. J'entends ma voix rouler comme tonnerre. Right, est-ce qu'il règne et nul ne peut s'y faire. Boom goes the wall. No soul is spared, I take it all, cause the law ain't shared. Respire dans la nuit de rust. Un cowboy s'élève et tout tombe en poussière.